إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc on commence aujourd'hui le cours numéro 42 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui s'intitule Iqtida al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafat ashab al-Jahim et c'est le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah et donc son sharh s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Donc le cheikh il commence au point où on est rendu, le passage numéro 155. Au dernier cours on a expliqué certaines questions qui ont rapport avec yani, les divergences et on a parlé ikhtilaf al-tanawwu', ikhtilaf al-tadad. On est toujours dans ces catégories là. Puis là maintenant on parle de la catégorie des gens de bid'ah. Donc le cheikh il dit wa amma ahlul bid'ah fal-amr fihim zahir كما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت منه كثيرا من بعض المتفقهة وبعض المتصوفة ونظائره كثيرة. Donc le cheikh il dit de même que pour les gens de bid'ah la question à leur sujet est apparente comme j'ai vu plusieurs exemples de cela chez les fuqaha et ou de la plupart de ceux qui sont venus qui sont venus plus tard parmi les savants dans les questions de fiqh, de même que j'ai vu beaucoup de cela parmi les mutafaqqiha, certains mutafaqqiha et certains mutasawwifa, certains mutafaqqiha c'est-à-dire étudiants de fiqh et mutasawwifa prétendant au soufisme, et les exemples semblables à celles-là sont nombreux. Donc de quoi le cheikh est en train de parler? Qu'est-ce que le cheikh Ibn Taymiyyah est en train de parler? Ça va s'éclaircir avec la clarification de cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan il dit: كما أن الاختلاف التضاد واقع بين أهل السنة أو واقع بين بعض أهل السنة فوقوعه عند أهل البدعة أكثر. Donc il dit de la même manière que parmi certains des gens de la sunna il peut y avoir certaines divergences entre eux parfois, mais les divergences entre les gens de bid'ah sont encore plus nombreuses. ولكن الاختلاف المبتدع ليس مبنيا على أدلة فالمبتدع لا دليل له إلا هواه واستحسانه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة أو السنة من كتاب أو سنة وكذلك يكون هذا الاختلاف بين الفقهاء الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية فالفقيه الفلاني يقول بالتحريم والآخر يقول بالإباحة مع أن التحريم والإباحة متضادان فلا يمكن أن يكون كل واحد منهما له استدلال صحيح. Donc le cheikh il dit mais la divergence qui existe chez les mubtadi'a elle n'est pas basée sur des preuves. Elle n'est pas basée sur des preuves. Et ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Les divergences qui sont chez les gens de bid'ah, quand ils divergent avec les musulmans, ce n'est pas des divergences basées sur des preuves. Parce que le mubtadi', la personne qui est sur l'innovation, elle n'a pas de preuve, excepté sa passion, excepté ce qu'elle pense être bon. Et donc, elle n'a aucun dalil, aucune preuve venant du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Également, parmi les divergences qu'on trouve, parmi les divergences de contradictions, on en trouve beaucoup entre les fuqaha. Lorsqu'ils font des ijtihads, donc ceux qui font des questions, ceux qui rentrent dans les questions d'ijtihad dans le fiqh, tu vois qu'un tel faqih, un tel savant de fiqh, il parle à propos d'un sujet, puis il dit ça c'est haram. Puis un autre savant, il dit non, c'est permis, c'est mubah, ou bien c'est halal. Alors qu'on sait que le fait d'être halal et d'être haram, c'est deux choses opposées, contradictoires. Dans le sens que quelque chose ne peut pas être halal puis haram en même temps. Donc le cheikh il dit, dans ce cas-là, c'est obligatoire que parmi ces deux-là, un des deux est un argument ou une preuve qui est incorrecte. Parmi ces deux-là, un des deux, il y en a un qui utilise des arguments qui ne sont pas corrects. Donc c'est pas correct, c'est pas possible que les deux ont un istidlal qui est correct et valable. Il faut qu'il y en a un des deux qui s'est trompé. Sinon on ne peut pas arriver avec deux verdicts contradictoires sur la même chose. Il dit والمتفقها هم الذين يبحثون في المسائل الفقهية والمتصوفة هم الذين يتعبدون بالزهد والتقشف ويلبسون الصوف ميلا إلى الخشونة ثم آل بهم الأمر إلى أن تعبدوا بالبدع والكفريات والإلحاد وهذا نتيجة حتمية للتشدد في الدين وترك العمل بالأدلة الشرعية إلى العمل بالأذواق والمواجيد وغير ذلك من شطحات الصوفية. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les mutafaqqiha, ce sont ceux qui étudient ou qui recherchent dans les questions de fiqh, tandis que les mutasawwifa, ce sont ceux qui s'adonnent à l'adoration en se détournant ou en se détachant de la dunya et en cherchant la piété en portant des vêtements de laine, pour montrer leur dureté, pour montrer qu'ils sont durs, qu'ils n'aiment pas la dunya, qu'ils ne s'attachent pas à la dunya. Ils aiment la vie rude. Hein? Et il dit, puis ensuite, ça les a amenés par la suite à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des innovations et par des formes de mécréance et même des formes d'ilhad, des formes de déviation dans la aqidah. Et tout ça, c'est le résultat. Hein? C'est le résultat normal et c'est le résultat le résultat normal de toute forme d'exagération et d'extrémisme, de dureté dans la religion. Lorsque tu tombes dans l'extrémisme ou dans l'exagération dans la religion, c'est ça le résultat. Tu tombes dans des formes de kufr, dans des formes de bid'ah, dans des formes d'égarement, dans des formes de shirk. Parce que tu as cessé d'agir et d'appliquer l'adoration selon les preuves de la charia, et au lieu de ça, tu as commencé à appliquer des actions selon tes goûts, selon tes sensations, selon ce que tu ressens. Hein? Selon tes... C'est ça que les soufis font, en fait. Ils se basent sur ce qu'ils ressentent quand ils font des actes soi-disant d'adoration, mais en fait, c'est des innovations. Donc parfois ils vont essayer de justifier certaines adorations qu'ils ont inventées, certaines bid'ahs qu'ils ont fait. Et la façon comment ils vont les justifier, c'est de dire j'ai fait telle ou telle chose et je me suis senti très très bien, hein, ça m'a donné un bon résultat, j'ai senti la paix, j'ai senti telle chose, donc ça veut dire que c'est une bonne adoration, malgré qu'il n'y a pas de preuve dans la charia pour le faire. Donc ça c'est des exemples de leurs égarements. Après, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit وَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ هِدَايَةً وَنُورًا رَأَى مِنْ هَذَا مَا يَتَبَيَّنُ لَهُ بِهِ مَنْفَعَةَ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ النَّهِي عَنْ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقُلُوبُ الصَّحِيحَةُ تُنْكِرُ هَذَا ابْتِدَاءً لَكِنْ نُورٌ عَلَى نُورٍ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Donc ça c'est le passage 156, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique que celui, mais il dit, et celui, Celui pour qui Allah a donné de la lumière et de la guidance, il va voir de ce que nous avons parlé, il va comprendre clairement le bienfait de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les interdictions, des innovations et l'interdiction, il y en a de ce genre de bid'a, il y en a qu'ils font. Et si les cœurs sont en bon état, sont corrects, eh bien, ils vont le rejeter et le renier en partant. Mais c'est une lumière sur de la lumière, donc lumière sur lumière, donc c'est encore plus clair. Et celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, il n'a pas de lumière. Qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah veut dire par ça? Ça va se clarifier en lisant les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan. Donc le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-Maqsoud min hadha al-kalam, anna l'insan la ya'rifu hadhi al-mabahith al-azima. أن الإنسان لا يعرف هذه المباحث العظيمة وهي الوقوف على أنواع الخلاف السائغ والاختلاف الممنوع لا يدرك ذلك إلا من تمسك بنصوص الكتاب والسنة بتدبر وتفقه وهذا فيه الحث على تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في مثل هذه المواقف الصعبة التي هي مظلة أفهام ومزلة أقدام. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que, qu'est-ce qu'on a expliqué? Ces questions qui ont rapport avec la divergence et les choses, les détails à ce sujet-là, ce sont des grandes questions. Des grandes questions qui nécessitent de grandes études. Et les hommes ne peuvent pas connaître ces questions-là, excepté s'ils ont, compris toutes ces différentes catégories et qu'ils ont fait des études du Coran et de la Sunna de façon approfondie avec beaucoup de méditation. Parce que de connaître toutes les différentes formes de divergence et lesquelles d'entre elles sont permises et lesquelles d'entre elles sont interdites, ça tu ne peux pas le savoir excepté si tu t'accroches au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu médites sur l'essence du Coran et de la Sunna avec beaucoup de compréhension. Et donc, dans ça, il y a une incitation à réfléchir sur la parole d'Allah, sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier dans ces questions difficiles, qui sont des questions qui peuvent faire égarer les compréhensions des gens et faire glisser facilement les gens dans l'égarement. وإنما وقع المختلفون فيما وقعوا فيه من الضلال والزيغ بسبب الجهل بأنواع الاختلاف وما يسوغ منهما وما لا يسوغ وما هي الآداب التي يجب أن يتحل بها المختلفون فيما بينهم. Donc il dit, et les gens qui ont divergé dans les choses dans lesquelles ils ont divergé, ils sont tombés dans l'égarement et dans la déviation à cause de l'ignorance des différentes sortes de divergences et à cause de leur ignorance de savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. C'est-à-dire dans quelle chose tu peux diverger, dans quelle chose tu ne peux pas diverger. Et c'est quoi les manières à adopter, et quelles sont les manières et les comportements à adopter lorsque on est en divergence entre nous. Donc tous les problèmes qui se sont produits, c'est parce qu'ils ont ignoré ces choses-là. Comment on gère les divergences entre nous? Quand est-ce que c'est permis de diverger? Quand est-ce que c'est pas permis? C'est quoi les sujets dans lesquels on peut diverger? C'est quoi les sujets dans lesquels on peut pas diverger? Et ainsi de suite. والخلاصة أنه وإن كان هذا واضحا لكل من دقق النظر لكن يزداد الأمر وضوحا عند من يفهم كلام الله وكلام رسوله ولا شك أن زيادة العلم تفيد الإيمان. كلما زاد علم الإنسان بالكتاب والسنة زادت هدايته ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ربي زدني علما فإن الإنسان بحاجة إلى الزيادة في العلم وإذا كان هذا في العلماء وأنهم بحاجة إلى الزيادة من العلم فكيف بالجهال وكيف بالمبتدئين في طلب العلم وكيف بالمتعالمين. Donc le cheikh il dit, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que même si ces questions sont claires pour celui qui analyse et qui regarde les choses de façon précise, de façon méticuleuse Il va comprendre ces choses-là. Mais l'affaire devient encore plus claire pour celui qui comprend la parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute que d'augmenter en science, ça, c'est quelque chose qui est profitable à l'homme. D'augmenter en science et en savoir, c'est quelque chose qui est profitable à l'homme. Et plus l'homme augmente en science, la science du livre d'Allah et la science de la sunnah, plus sa guidance augmente. Plus que la personne augmente en science, plus que sa guidance augmente. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, dis, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Qul rabbi zidni ilma. Hein? Donc, l'homme, il a besoin d'augmenter en science. Et si ça, c'est pour, ça, si ça c'est bénéfique et c'est bon pour les ulama, d'augmenter en science, hein? Alors qu'ils ont déjà de la science, c'est important pour eux d'augmenter en science, alors que dire des ignorants? C'est encore plus important pour les ignorants d'augmenter en science, et encore plus important aussi pour les débutants dans la quête de la science, et également pour les muta'alimin, c'est-à-dire ceux qui prétendent à la science mais qui n'ont pas de science. Donc eux, ils en ont encore plus besoin de la science. Après, le cheikh, il dit, cheikh l'islam, il dit, « وَهَذَا الْقِسْمْ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ اِخْتِلَافُ التَّنَوُعُ كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد ولكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا وإذا لم يحصل من أحدهما بغي كما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يعني قد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل فقطع قوم وترك آخرون وكما في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et cette catégorie donc que nous avons appelée la divergence de variété ou de variation, dans laquelle chacun des deux qui diverge a raison sans aucun doute, et que tous les deux ont raison dans leur position, il dit, le blâme vient par rapport à ceux-là uniquement si un transgresse contre l'autre. Les deux, ils ont raison, mais il y en a un des deux qui transgresse contre l'autre. Donc, dans ce cas-là, ça devient blâmable. Transgresse dans le sens que il renie ce que l'autre possède. Ou bien il commence à le critiquer dans qu'est-ce qu'il fait, alors que qu'est-ce qu'il fait est correct aussi. Oui, alors que les deux sont bons. Tu vois? En fait, cette situation-là, ce genre d'attitude-là, elle est blâmable. Ça, on en a parlé dans les cours précédents. Hein? L'exemple de... Oui, la récitation des deux. Non, Abdullah ibn Mas'ud et un autre sahabi. Puis aussi un autre exemple d'Abdullah ibn Abbas, puis il y avait aussi l'exemple du azan, différentes formes d'azan, différentes formes de tashahud, différentes donc tout ça c'était des exemples de ikhtilaf tanawwu'. Mais là, un des deux, il veut blâmer qu'est-ce que l'autre fait, alors que les deux sont valables, sont en accord avec la sunna. C'est ça, celui qui critique ou qui nie qu'est-ce que l'autre possède, alors que ça fait partie de la sunna, qu'est-ce qu'il fait, c'est blâmable. Et si l'autre il répond et il rentre dans la dispute lui aussi, c'est blâmable aussi. Donc le Coran a indiqué la louange de chacun des deux groupes, dans le sens que les deux ont été glorifiés dans leur position. Mais lorsque quelqu'un a transgressé contre l'autre, alors là, ça devient blâmable. Et s'il n'y a pas une transgression, Oui, c'est ça. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut glorifier, comme c'est mentionné dans le Coran, il mentionne les deux positions divergentes, et il les glorifie tous les deux, lorsqu'il n'y a pas de transgression d'un parti contre l'autre, et que les deux acceptent, chacun accepte la position de l'autre, parce que les deux positions sont valables. Et il donne l'exemple du verset 5, dans Surat al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la situation dans laquelle les musulmans étaient en divergence. Et certains voulaient couper les arbres et d'autres ne voulaient pas les couper. Alors, certains ont coupé et d'autres ne l'ont pas coupé. C'est comme dans le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans Surat al-Hashr, « Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie le pervers. » Ma qata'tum min linatin. D'accord. Donc, le cheikh explique. Il dit, c'est quoi cette histoire par rapport aux palmiers qui ont été coupés ou pas coupés? Il dit, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assiégé la tribu de Bani Nadir, les juifs parmi les tribus juives de Médine. Bani Nadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en guerre contre eux, parce qu'ils ont brisé leur entente. Et ils ont divergé, les sahabas ont divergé entre eux. Est-ce qu'on doit couper leurs palmiers ou on ne doit pas les couper? Alors certains ont coupé, d'autres n'ont pas coupé. Et également l'exemple de Daoud et Sulaiman, ils ont divergé dans un jugement. On sait que Daoud et Sulaiman, les deux étaient des rois, hein? Et Daoud, c'est le père de Sulaiman, hein? Donc c'est dans Sourate Al-Anbiya, le verset, c'est le verset 78-79. C'est-à-dire que Daoud, c'est le père, Sulaiman, c'est le fils. C'est possible, comme Moussa et Haroun. Ouais. Et puis d'autres prophètes aussi qui ont été prophètes en même temps, comme dans Surat Yassin. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا. Il y avait trois prophètes en même temps. Ouais. Pour la même ville. Donc c'est possible. Il y a plusieurs prophètes en même temps. Al-Anbiya, Surat al-Anbiya. Ouais, Ismaïl, l'autre aussi. Mm-hmm. Ah, c'est possible. Non, mais c'est Allahu A'lam. Je ne sais pas comment ça se transmet, mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des prophètes, des fils d'Abraham, des prophètes, beaucoup de prophètes parmi les fils d'Abraham. Mais comment ils se sont retrouvés prophètes, à quel moment exactement, Allahu A'lam, je connais pas les détails à ce sujet là c'est Surat 21, Surat Al-Anbiya, verset 78-79. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, pendant la nuit. Et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre à Sulaiman. Et à chacun, nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud, ainsi que les oiseaux, et c'est nous qui sommes le faiseur. Donc, ces versets, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la compréhension en particulier à Sulaiman, hein, sur Daoud. Mais il a fait l'éloge des deux quand même, en disant de tous les deux qu'ils avaient la science et la sagesse. Maintenant, on va lire qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan va détailler là-dessus. C'est ça. Les deux avaient raison. Mais là, tu vas le savoir, Inch'Allah. Le Cheikh, il va l'expliquer. Cheikh Al-Fawzan dit فكل منهما أي المختلفين فيه على حق لأنه أخذ من الدليل فليس لخصمه أن يظلمه بأن يخطئه أو يحكم عليه بالضلالة والبدعة أو أشد من ذلك بالتكفير كما يقع من كثير من الجهال المنتسبين إلى طلب العلم. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, dans des cas qui ont rapport avec Ikhtilaf Tanawwu, chacun des deux côtés, des deux positions, est sur la vérité, hein, parce qu'il a pris selon la preuve. Donc son opposant, celui qui n'est pas d'accord avec l'autre, celui qui a une autre position, disons, une position différente de l'autre, il n'a pas le droit de lui faire une injustice en disant de lui qu'il est dans l'erreur, ou de juger encore pire qu'il est dans l'égarement ou dans la bid'a, parce qu'il a une position différente, ou plus grave encore que ça, de dire qu'il est dans le coffre, l'accuser de takfir, comme cela arrive souvent de la part de certains ignorants qui prétendent appartenir à la science ou sa filie, ou prétendent être dans la quête de la science. Donc on voit beaucoup de jeunes comme ça, des ignorants, hein, qui prétendent être des tolab ilm, puis qui accusent les autres de kufr, hein. Et ça c'est à cause de l'ignorance, comme Cheikh Al-Fawzan il a mentionné. وقوله وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين أي أن كل من أخذ بوجه من وجوه الأدلة أو من وجوه الدلالة في الدليل الواحد على حق وكل منهما محمود ومأجور كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر وقد ضرب الشيخ مثالا من القرآن الكريم لهذا النوع من الخلاف. Donc le cheikh il dit et le Coran a indiqué la glorification de chacun des deux groupes. Il dit parce que chacun des deux groupes ont pris une partie ou un point de vue de la preuve, hein? Et donc ils ont pris la preuve, donc ils sont sur le haq, c'est la même preuve, donc ils sont sur la vérité. Chacun des deux est glorifié et récompensé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un juge juge et il a raison dans une question, alors il aura deux récompenses. Mais s'il juge et il fait un effort pour atteindre la vérité, mais qu'il se trompe, il aura une seule récompense au lieu de deux, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed selon Amr ibn al-As. Il dit donc que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a donné un exemple dans le Coran à ce sujet-là, au sujet de cette catégorie de divergence, c'est-à-dire ikhtilaf al-tanawwu, la divergence de variation. Il dit que wa huwa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma ghaza bani an-nadir min al-yahud hinama khanu al-ahd wa qata' al-muslimun an-nakhil nikayatan bil-yahud fi hin anna ba'dahum lam yaf'al fakhtalafu fi al-amr wa kullu minhumā muhiqq fi ma fa'al وقد صوب الله فعل الطائفتين وقال ما قطعتم من لينة اللينة هي النخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يعني بإذن الله الشرعي لأن الإذن على قسمين الإذن الكوني وهذا قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي إذنه الكوني القدري والقسم الثاني الإذن الشرعي الذي هو أمر الله. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la guerre contre la tribu de Nadir, parmi les tribus juives qui ont brisé leur entente à l'époque. Alors des musulmans ont décidé de briser, plutôt de couper les palmes, les palmiers de date, hein, de les couper pour se venger des juifs, alors que certains sahaba eux n'ont pas voulu les couper, Donc ils ont divergé sur la question et chacun avait raison dans qu'est-ce qu'il a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné raison aux deux parties, à ceux qui ont coupé et à ceux qui n'ont pas coupé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, les palmiers que vous avez coupés ou que vous avez laissés sur leurs racines, eh bien c'était par la permission d'Allah. Il dit al-lina, ça veut dire al-nakhla. Al-nakhla, c'est le palmier. Et donc, c'était par la permission d'Allah. Le cheikh, il dit la permission d'Allah, c'est quelle permission? Parce qu'il dit la permission, ça se divise en deux catégories. Al-ithn al-kawni et al-ithn al-shar'i. Hein, c'est comme al-irada. Al-irada al-kawniya ou al-irada al-shar'iya. Et al-ithn, il y a al-ithn al-kawni ou al-ithn al-shar'i. Donc, la permission, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit la permission d'Allah, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire la permission d'Allah qui est shar'iyya, dans le sens que dans la révélation, il l'a permis par un texte du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est shar'i parce que c'est révélé. Mais la permission qui est kawniyya, c'est une permission qui est pas connue par la révélation, mais qui est connue par le fait que Allah l'a prédestiné et l'a créé. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné, l'a créé, ça veut dire que dans ce cas-là, il l'a permis. Mais il faut comprendre une différence bien importante entre les deux formes de permission. La permission qui est shar'iyya, c'est parce que Allah il l'a aimé. Il l'a permis dans le Coran, dans la Sunna, parce qu'il l'aime. Mais la permission dans qu'est-ce qu'il a créé et dans le qadar, Ça peut être quelque chose qu'il aime, comme ça peut être quelque chose qu'il n'aime pas. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a permis que le porc existe. Il a permis que Iblis existe. Il a permis que le shirk se produise. Est-ce que Allah aime le shirk? Non. Est-ce que Allah aime le meurtre? Non. Est-ce que Allah aime le vol? Non. Donc Allah n'aime pas ces choses-là. Et la preuve qu'il ne les aime pas, il les a interdites. Et il a menacé du châtiment de l'enfer ceux qui le font. Donc c'est la preuve qu'il ne les aime pas. Donc il l'a permis, mais pas permis dans la charia, il l'a permis dans le but de mettre les hommes à l'épreuve et de les tester, dans le qadar, oui. C'est ça la différence entre al-ithn al-kawni et al-ithn al-shar'i. Al-ithn al-shar'i, Allah il l'aime. Al-ithn al-kawni, peut-être qu'Allah peut l'aimer dans certains cas, si c'est quelque chose de bien, qui est en accord avec la charia, et comme il peut le détester, si c'est quelque chose qui est en contradiction avec la charia. Et si Allah permet à quelque chose qui est contraire à la charia de se produire, c'est par sa sagesse, et pour mettre les hommes à l'épreuve, et pour les tester. Il donne l'exemple aussi dans Surat al-Baqarah, à propos de la sorcellerie. Hein, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans l'irad al-kawni, il dit al-idhn al-kawni, il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est-à-dire ceux qui font la sorcellerie, ils ne pourront pas faire du tort à quelqu'un excepté par la permission d'Allah. C'est-à-dire ils ne pourront pas faire du tort avec la sorcellerie à quelqu'un excepté par la permission d'Allah. Donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il peut permettre parfois à la sorcellerie d'avoir un effet sur quelqu'un et c'est pour le tester et c'est pour le mettre à l'épreuve. Mais on sait que c'est dans l'izn, c'est une permission non pas légale mais une permission qui est dans la création et dans la prédestination et non pas dans la législation, non pas dans la révélation, parce que Allah a interdit la sorcellerie et la magie, et il a même déclaré celui qui le fait de kafir, même celui qui l'étudie comme étant kafir, et il l'a menacé également de l'enfer. Hein? Il a dit وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Donc ils n'ont aucune part dans l'au-delà s'ils font de la sorcellerie. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est al-ithn al-kawni al-qadari. Il y a l'idhn, le qism al-thani, l'idhn al-shar'i, alladhi huwa amrullah. Donc l'idhn al-shar'i, c'est le commandement d'Allah, c'est l'ordre d'Allah. Donc vous avez bien compris la différence entre les deux الإرادة الكونية هي الإرادة الشرعية هي الإذن الكوني هي الإذن الشرعي. Vous avez bien compris la différence entre les deux. En fait, إرادة c'est une autre catégorie, mais sinon il y a plusieurs choses comme ça. القضاء الإرادة الإذن الحكم. C'est-à-dire, c'est des choses dans lesquelles il peut y avoir deux catégories, kawni et shar'i. Il y en a d'autres aussi. Mais il faut comprendre dans ce sens-là, on pourra y revenir, Inch'Allah. Irada, c'est la volonté. Exact. فالحاصل أن كل من الطائفتين محق فيما صنع، فالذين قطعوا إنما قطعوا نكاية بالعدو، والذين لم يقطعوا إنما فعلوا ذلك لأجل الإبقاء على النخيل النافعة المفيدة. Donc le cheikh il dit يعني qu'est-ce qu'on peut comprendre en général, en résumé de tout ce qu'on a dit, c'est que les deux avaient raison. Ceux qui ont coupé les arbres, ils l'ont fait pourquoi? Il y en a pour faire du tort à l'ennemi. Ok? Et ceux qui ont laissé les arbres debout, ils les ont laissés pourquoi? Pour qu'il y ait des arbres qui puissent profiter par la suite. Pour qu'on puisse en profiter. Hein? Oui, ils étaient en bataille, mais les musulmans avaient, comme on dit, assiégé. Parce que les villes étaient entourées de murailles souvent. Et donc l'ennemi était derrière, il ne voulait pas sortir. Donc pendant que, pour faire du tort à l'ennemi, il faisait coupait les arbres, il faisait des trucs comme ça. Et certains sahabes, ils n'ont pas coupé les arbres, ils ont dit c'est mieux de les laisser, comme ça quand on va prendre leur terre, leur ville, on va en profiter de ces palmiers-là. C'est comme il y en a des fois, ils pensent qu'il faut détruire tout. Qu'est-ce que l'ennemi a construit? Non, détruis-le pas. Après, tu vas l'utiliser, tu vas en profiter. C'est mieux. Hein? Donc, il y en a, les vandales, là, ils sont vraiment bêtes. Oui, c'est ça. Non, les deux avaient raison. Les deux avaient raison. Dans ce cas-là, les deux avaient raison, oui. Dans le verset. Il dit وقوله وداود وسليمان هذا مثال آخر على الفعل الذي تحمد فيه كلا أو كلا الطائفتين حيث جاء في قصة الغنم الذين أكلت زرع القوم ولما تخاصم الطرفان إلى داود عليه السلام حكم بأن الغنم تكون لأصحاب الحرف عوضا عن حرفهم فلما جاءوا إلى سليمان عليه السلام حكم بأن تدفع الغنم لأهل الحرف يشربون من ألبانها ويستفيدون منها وحكم على أهل الغنم أن يسقوا الزرع حتى يتكاملوا فيعود كما كان ثم ترد الغنم إلى أصحابها والزرع إلى أصحابها فالله جل وعلا صوب حكم سليمان لهذا ولهذا قال ففهمناها سليمان وأثنى على كل من داود وسليمان بالعلم فدل على أن الاجتهاد في المواطن التي يسوغ فيها الاجتهاد إذا حصل فيه الاختلاف تنوع لا يلام أحد الطرفين ولا يخطأ. Ça, c'est intéressant, cette histoire, mashallah. Il dit, quant à l'histoire qui a rapport avec Daoud et Suleyman, l'histoire c'est quoi? Il dit, dans ce cas-là, les deux ont été glorifiés. Les deux, Suleyman et Daoud ont été glorifiés pour leurs deux positions. Du fait que, dans l'histoire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait des moutons, puis les moutons sont allés dans le champ de quelqu'un, Puis ils ont mangé les légumes dans le champ de la personne. Donc le monsieur, il a trouvé que ses légumes sont disparus, il n'y a plus de légumes. Qu'est-ce qui est arrivé? Les moutons du voisin ont mangé ses légumes. Donc, ils sont allés voir Daoud pour que Daoud tranche entre les deux pour savoir qu'est-ce qu'il va, comment il va réparer l'affaire. Alors, Daoud, il a dit, le monsieur qui a les moutons, il doit le donner à celui qui a le champ. Il doit donner ses moutons à celui qui a le champ. Et ça va compenser pour le champ qui a été ravagé. Tandis que Suleyman, lui, quand ils sont allés voir Suleyman après, Suleyman, lui, il a jugé différemment. Il a dit, celui qui a les moutons, il doit donner ses moutons pour que pendant un certain temps, le propriétaire du champ va boire du lait des moutons et il va profiter de leur lait. Et les propriétaires des moutons doivent venir arroser le champ de celui qui avait le champ. Ils doivent venir l'arroser pendant un certain temps jusqu'à ce que ses légumes reviennent comme ils étaient avant. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Puis ensuite, une fois que les légumes sont repoussés et tout, ils redonnent les moutons au propriétaire des moutons. Et comme ça, lui, il a ses légumes encore. Et qu'est-ce que le cheikh il dit? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donné raison au jugement de Suleyman. Et c'est pour ça qu'il dit, فَفَهَمْنَهَا Suleyman. On l'a donné la compréhension de cette question-là à Suleyman. Et il a fait l'éloge de Suleyman, mais en même temps il a dit, et à tous les deux nous avons donné science et sagesse. Donc ça veut dire qu'il a fait l'éloge des deux. Et donc le cheikh il dit, ça c'est la preuve que dans les questions d'ijtihad, dans laquelle il est permis à quelqu'un de faire des efforts pour arriver à obtenir un verdict juste, s'il y a une divergence dans la catégorie d'irtilaf qui fait partie d'irtilaf tanawwa', dans ce cas-là, on ne peut pas blâmer un des deux parties ou traiter un des deux comme étant dans l'erreur. Non. Sauf que, un peut avoir être plus proche de la vérité que l'autre, mais on ne va pas blâmer celui qui n'a pas eu raison. Et il dit, ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة ومن صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. Donc il dit, de la même manière que on voit que le prophète صلى الله عليه وسلم le jour de Bani Qurayza, il a approuvé des deux. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit ou qui avait appelé en disant que personne ne prie l'Asr excepté chez Bani Qurayza. Donc il y en a parmi eux qui ont prié l'Asr dans son temps sur le chemin et d'autres qui ont retardé l'Asr jusqu'à ce qu'ils arrivent à Bani Qurayza et ils ont prié l'Asr là-bas en retard. Donc comme ça, c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un juge fait un jugement et qu'il a raison, il aura deux récompenses. Et s'il fait un jugement et qu'il a raison, il aura une seule récompense au lieu de deux. Et donc on peut, si on prend cette classification là, on peut dire donc qu'il y a trois catégories de divergence. La divergence est de trois catégories. Cheikh Al-Fawzan, il va l'expliquer. Il dit, وقوله وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة هذا مثال أيضا على اختلاف التنوع وأن كل من الطائفتين على حق وأن فعل كل على وأن فعل كل منهما غير مذموم ومحل الشاهد لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ولما حان موعد الصلاة العصر وهم في الطريق فبعضهم نظر إلى أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحث على الإصرار إلى الإسراع إلى بني قريظة وليس المقصود ظاهر اللفظ. فصلوا في الطريق ثم وصلوا المسير إلى بني قريظة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل الطائفتين. وقوله كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ونظائره كثيرة. Donc il résume tout ce qu'on a dit, donc on ne va pas le retraduire encore une fois, tout ça c'est ce qu'on vient juste d'expliquer. Après il dit وَهَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِخْتِلَافِ التَّنَوُّعْ سَائِرٌ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم يعني القاضي فأصاب أي أصاب في اجتهاده الحكم الشرعي فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ويعفو الله عن الخطأ لأنه إنما قصده الحق أو إنما قصده الحق. فهذا أيضا يدل على أن الحكمين إذا اجتهدا واختلفا في حكمهما فإن اختلافهما يسمى اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ولهذا قالوا لا ينقض حكم الحاكم إلا إذا خالف نصا صريحا. نعم. Donc le cheikh il dit donc ce hadith c'est une preuve par rapport يعني à la divergence de variation et que ça c'est quelque chose qui est permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le juge juge d'un jugement, c'est-à-dire le juge, le qadi, un juge fait un jugement et qu'il a raison, c'est-à-dire son verdict ou son jugement a été en accord avec le verdict de la sharia, alors dans ce cas-là il a deux récompenses, la récompense d'avoir fait l'effort et la récompense d'avoir eu raison. Tandis que s'il fait une erreur, il a une seule récompense, et c'est la récompense d'avoir fait l'effort pour trouver la vérité. Et Allah lui pardonne son erreur. Et pourquoi ? Parce que son intention était la vérité. Son intention, qu'est-ce qu'il recherchait ? C'était la vérité. Donc, dans ce cas-là, il sera récompensé, il ne va pas être puni. Et Hada Edan Yadul Ala, donc il dit ça également, c'est la preuve que lorsque deux juges font un jugement et qu'ils divergent, leur verdict diverge, dans ce cas-là, on appelle cette divergence-là une divergence de variation. Et donc, ce n'est pas une divergence d'opposition. Et c'est pour ça que les ulama ils disent qu'on ne va pas annuler un verdict d'un juge, excepté lorsqu'il a contredit un texte explicite. Mais s'il n'a pas contredit un texte explicite, dans ce cas-là, on ne va pas annuler complètement son verdict ou son jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme par exemple des fois un savant, il a compris un texte d'une façon, mais on voit que la façon qu'il l'a comprise ou la façon qu'il a compris le texte, c'est une façon qui est valable. C'est une manière de comprendre le texte qui est acceptable dans le sens de la langue arabe et dans le contexte du hadith, c'est clair. Et un autre savant l'a compris d'une autre manière qui est acceptable également. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il a contredit le texte. Hein? Donc on va dire dans ce cas-là, tous les deux ils ont raison. Ou bien tous les deux ont une récompense. Hein? Ils sont corrects. وقوله وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام الأول اختلاف التضاد والثاني اختلاف التنوع والثالث الحكمين المجتهدين ما لم يخالف أحدهما نصا صريحا صحيحا. Donc il dit si tu regardes cette question tu peux en faire donc trois catégories si tu veux. Il dit la première catégorie اختلاف التضاد la divergence d'opposition ou de contradiction. La deuxième catégorie, اختلاف التنوع, c'est-à-dire la divergence de différentes variations. Et la troisième catégorie, lorsque deux juges font un ijtihad, hein, deux juges qui sont mujtahid font un ijtihad et qu'aucun des deux n'a contredit un texte explicite authentique. Dans ce cas-là, ça c'est une troisième catégorie. Si tu veux, tu peux le mettre dans une troisième catégorie. Naam. Ensuite, le cheikh il dit « وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَا حُمِدَ فِيهِ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَظُمَّ فِيهِ الْأُخْرَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم الأخرى. Donc, Cheikh l'Islam, il dit, en ce qui concerne la deuxième catégorie de divergence qui est mentionnée dans le Coran, c'est la catégorie dans laquelle on a glorifié un des deux groupes, c'est-à-dire les croyants, et on a blâmé l'autre, c'est-à-dire les mécréants. Et il dit ça, c'est comme dans l'exemple, dans Surat al-Baqarah, le verset 253, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, un exemple qui parle de ça. Il dit, parmi ces messagers, donc il dit le verset 253 qui signifie, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il y en a à qui Allah a parlé. Il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants et les autres furent infidèles. Et si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Donc, le cheikh il dit dans ce verset-là, on voit clairement que, mais ils se sont opposés. Ils ont divergé. Les uns restèrent croyants et les autres furent mécréants. Hein? C'est ça. C'est une forme d'irtilaf al-tadad, mais Allah il glorifie ceux qui sont croyants et il blâme ceux qui sont mécréants. Donc le cheikh il explique, Cheikh al-Fawzan, il dit, regardez, il dit al-qism al-thani qawluhu al-qism al-thani min al-irtilaf al-mazkour fi kitab Allah fahuwa ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهو الاختلاف في الاعتقاد وهو الذي يذم فيه أحد الطرفين ويحمد الآخر ويحمد الذي على الحق ويذم الذي على الباطل ومنه قوله تعالى في هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهذا فيه دليل على أن الرسل يتفاضلون وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الرسل على الإطلاق ولكن لا يعني هذا تنقص المفضول وإنما نذكر هذا التفضيل من باب التحدث بالنعم نعمة الله عز وجل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء بمعنى لا تفاضلوا بينهم مفاضلة تحمل على التنقص المفضول وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل ومع هذا قال لا تفضلوني على يونس يعني التفضيل الذي فيه تنقص للمفضول وأما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله على الفاضل فلا بأس. Donc le cheikh il explique, il dit, en ce qui concerne la catégorie de divergence qui est mentionnée dans le livre d'Allah, la deuxième catégorie de ces divergences là c'est la celle dans laquelle on glorifie un des deux groupes, et c'est-à-dire le groupe des croyants on les glorifie, puis le groupe des blâmés, c'est les mécréants. Il dit ça veut dire quoi, Cheikh Al-Fawzan? Il dit ça, c'est la divergence dans l'aqidah. Et la divergence dans l'aqidah, on blâme un des deux parties qui a divergé. C'est pas comme la divergence dans l'irtilaf al-tanawwu, Contrairement à ce que parfois les hezbiens essaient de faire croire aux gens que peu importe, il y en a dans la aqida, c'est pas grave, tout le monde peut diverger, avoir sa propre aqida, puis on est quand même, on continue quand même à y aller s'aider dans les choses sur lesquelles on est d'accord et ainsi de suite. Non. Quand c'est une divergence dans la aqida, c'est soit que tu es sur le haq soit tu es sur le batil. Il dit donc soit qu'il y a un des partis qui est blâmé et l'autre qui est glorifié. On glorifie celui qui est sur la vérité et on blâme celui qui est sur le faux. Et il dit, c'est comme dans le verset que le cheikh il a cité, parmi ces messagers, certains d'entre eux, Allah a préféré sur d'autres, a donné préférence à d'autres. Et c'est le verset 253 qu'on a lu tout à l'heure. Donc il dit, il y a dans ça la preuve que certains prophètes, certains messagers sont meilleurs que d'autres. Et les meilleurs d'entre les messagers, les deux meilleurs sont Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont les meilleurs parmi les messagers et les prophètes. Et il dit le meilleur des deux Khalil, hein, les deux Khalil, c'est-à-dire les deux qui sont émis, les deux amis rapprochés d'Allah, c'est le meilleur des deux, entre Ibrahim et Muhammad, le meilleur des deux c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que il est le meilleur des messagers, il y en a de façon absolue. C'est lui le meilleur de tous les messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont pas les, comme si, ça veut pas dire que lui est le meilleur, que les autres sont inférieurs ou qu'ils sont pas bons. C'est ça que ça veut dire. On mentionne seulement qu'il est le meilleur dans le but de parler des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui et pour montrer les grâces que Allah a eues envers lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de préférence entre les prophètes. Exactement. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tukhayyiru bayna al-anbiya. C'est-à-dire, ne faites pas de préférence entre les messagers. Dans le sens, ne faites pas d'éloge ou ne montrez pas la préférence à un prophète parmi les autres dans le sens de manquer de respect ou de diminuer les autres. Ok, et donc il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit par exemple, ne me préférez pas à Younus ibn Mata, Jonas fils de Mata. Donc il n'y a pas de doute que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de tous les messagers. Mais malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me préférez pas à Younus. Dans le sens, ne me préférez pas de manière à ce que vous allez dénigrer ou diminuer les autres. D'accord? Et donc c'est uniquement dans le sens qu'on le préfère et on dit qu'il est meilleur, dans le sens de mentionner les bienfaits d'Allah envers lui et les grâces qu'Allah lui a faites. Et ça, il n'y a pas de problème à le faire. Après il dit, وَكَمَا أَنَّ الصَّحَابَ يَتَفَضَلُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَهَذَا شَيْءٌ وَاقِعٌ وَلَكِنْ يَحْمِلُ هَذَا عَلَى لَا يَحْمِلُ هَذَا عَلَى تَنَقُّسِ الْمَفْضُولِ وَالْمُفَاخَرَةِ بِالْمَفْضُولِ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَا يَجُوزُ شَرْعًا. Il dit la même chose pour les sahaba. Les sahaba, ils sont pas tous au même degré. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais si on dit que certains sont meilleurs que d'autres, c'est pas pour diminuer les autres, mais pour les dénigrer, ou pour les rabaisser, ou pour montrer de la fierté par rapport à celui qui est meilleur. Non. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis dans la charia. Il dit, ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا مَحَلُّ الشَّاهِدِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّبَبَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ هِيَ وُقُوعُ الْقِتَالِ بَيْنَهُمْ وَإِنَّمَا هُوَ الِاخْتِلَافُ فَهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ سَلَّطَ اللَّهُ بعضهم على بعض وهذا فيه ذم اختلافهم الذي هو اختلاف عقيدة واختلاف تضاد لأنهم جاءتهم البينات فما قبلوها وتركوا أمر الشرع وأخذوا بآرائهم وعقولهم فخالفوا أمر الله ومن ثم أدى هذا القتال فيما بينهم لأن الاختلاف يؤدي إلى سفك الدماء ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف وأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لأجل حقن الدماء واجتماع الكلمة قال سبحانه مبينا نوع الاختلاف فمنهم من آمن ومنهم من كفر وهنا تمكن الخطورة وهي أن الاختلاف التضاد يؤدي إلى الكفر Donc le cheikh il dit la cause de la punition, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que le cheikh a cité, il dit si Allah aurait voulu, ne se serait pas entretué, hein, ceux qui sont venus après ne se seraient pas entretués une fois que leur sont venues les preuves claires, mais ils ont divergé. C'est ça le point que le cheikh a voulu citer comme preuve ici. Il dit que en résumé, la cause de cette punition, c'est le combat s'est produit, ils se sont entretués par la suite, ils se sont combattus les uns les autres, et ça c'est à cause de la divergence, à cause de leur divergence. Et donc lorsqu'ils ont divergé entre eux, entre mu'min et kafir, Allah subhanahu wa ta'ala les a frappés les uns par les autres. Et donc il y a ici un blâme de la divergence dans laquelle ils sont tombés, c'est-à-dire la divergence de l'aqidah, qui est une divergence de contradiction et d'opposition. Parce que les preuves claires leur sont venues, hein, et ils ne les ont pas acceptées. Et ils ont abandonné l'ordre de la charia, hein, l'ordre de la révélation, et ils ont pris leurs propres opinions et leurs raisons au lieu de se soumettre à l'ordre d'Allah. Ils ont contredit l'ordre d'Allah. Et donc, à cause de ça, ça les a amenés à se combattre les uns les autres. Et donc, ça c'est la preuve que la divergence amène à faire couler le sang. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la division et la divergence. Et il a ordonné de rester avec la jama'a et d'écouter et d'obéir pour préserver le sang et pour réunir la parole des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié donc que c'est quelle sorte de divergence il s'agit dans le verset, en disant parmi eux certains ont cru et d'autres ont rejeté la foi. Et donc c'est là qu'on voit le danger, hein, et qui prouve que la divergence d'opposition et de contradiction amène à la mécréance. C'est ça le danger. Il dit ثم كرر الله قوله في ختام الآية فقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا وإنما كرر سبحانه ذلك ليؤكد أن ما يقع من خير أو شر إنما هو بإرادة الله ومشيئته وأنه وأنه بقضائه وقدره وأنه سبحانه لا يقدر إلا ما فيه الحكمة وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها فلو أنهم اتبعوا البينات واتبعوا ما شرع الله لهم حصل بينهم اختلاف اللهم إلا اختلاف التنوع وهذا لا يضر أما اختلاف التضاد فإنه يقع مع الرجوع إلى الكتاب فإنه لا يقع مع الرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة أبدا. Donc le cheikh il termine ce point là en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a répété juste après, hein, dans le verset, il a dit ils ont divergé, hein, ils ont divergé après que les preuves claires leur soient venues. Donc parmi eux il y en a qui ont cru et d'autres qui ont mécru, hein. Et après il dit mais si Allah aurait voulu, ne se serait pas entretué. Si Allah aurait voulu, ils ne seraient pas combattus les uns les autres, ils ne seraient pas entretués. Donc Allah, il a répété ça à la fin du verset. Pourquoi ? Qu'ils ne se seraient pas entretués. C'est pour confirmer que s'il y a quelque chose qui se passe, de bien ou de mal, c'est uniquement par la volonté d'Allah. C'est uniquement par la volonté d'Allah et par sa prédestination. Et qu'est-ce qu'il a prédestiné ? Et son décret. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prédestine que ce qui est quelque chose, il y en a ce dans quoi il y a la sagesse. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala prédestine quelque chose, c'est parce que c'est qu'est-ce qui est le plus sage, qu'est-ce qui est, hein, le meilleur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage, celui qui sait où mettre chaque chose. Donc si ils auraient suivi les preuves claires et qu'ils auraient suivi ce que Allah a révélé, il n'y aurait pas eu de divergence entre eux, excepté peut-être la divergence de variation, et ça ne fait pas de tort, on a expliqué déjà. Tandis que la divergence d'opposition et de contradiction, ça peut pas se produire. Cette catégorie de divergence, d'opposition et de contradiction ne peut pas se produire lorsqu'on revient au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on s'accroche au Coran et à la Sunna. Et en ce qui concerne la volonté d'Allah, c'est la même chose qu'est-ce qu'on a dit à propos de la permission, hein, al-izn, c'est qu'il y a l'irad al-kawniya ou l'irad al-shar'iya. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, la volonté, sa volonté, il y a la volonté dans qu'est-ce qu'il a révélé, et ça c'est uniquement qu'est-ce qui est bon, et la volonté dans qu'est-ce qui se produit, dans qu'est-ce qu'il a prédestiné, qu'est-ce qu'il a créé, ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Mais si c'est quelque chose de mauvais, c'est pas mauvais de façon absolue. C'est mauvais uniquement d'un certain point de vue. Mais il y a du bien dedans. Il y a une sagesse dedans. Et donc, si Allah a permis que les hommes s'entretuent, c'est parce qu'il y a une sagesse derrière ça. Et il y a un bien dedans. D'accord? Et donc ça, c'est, il faut comprendre, et c'est de mettre les hommes à l'épreuve et de voir lesquels d'entre eux vont défendre la vérité et lesquels d'entre eux vont justement défendre le faux pour récompenser ceux qui méritent d'être récompensé et punir ceux qui méritent d'être punis, et ainsi de suite. En fait, des catastrophes, quand ils disent naturel, les kuffar, quand ils disent ça c'est une catastrophe naturelle, c'est pour nier que ce soit quelque chose que Allah a prédestiné ou que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc, ils disent catastrophe naturelle pour enlever la notion ou l'idée qu'il y a un créateur qui est derrière, une volonté absolue, hein, toute puissante, qui est derrière tout ce qui se produit dans l'univers. Donc, pour eux, c'est des choses qui se passent, qui sont des choses par hasard, des choses aveugles, hein, c'est la nature. Donc, nous, on ne dit pas que ce sont des catastrophes naturelles, mais on dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu et qui a prédestiné ces catastrophes. Et c'est soit une expiation pour les péchés des croyants, soit un châtiment pour les crimes des mécréants. Hein? L'irad al-kawniya. L'irad al-kawniya. Donc, oui, c'est ça. On va lire, si ça ne vous dérange pas, un dernier verset, ok? Parce que ça, c'est, je pense que c'est important de le lire, puis en même temps, ça termine la catégorie dont il est en train de parler. Le cheikh, il dit, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُتِعَتْ أو قُتِعَتْ نعم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُتِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير سورة الحج سورة الحج le verset 19 à 23 c'est des versets vraiment sévères qui mentionnent yani la lorsqu'il y a le conflit ou la dispute entre deux groupes à propos de leur Seigneur. 19 et 23, Surat al-Hajj. Voici la signification de ces versets que le Cheikh Ibn Taymiyyah a cité. Il dit, le verset 19 à 23, voici deux clans adverses qui se disputaient au sujet de leur Seigneur. Donc ça, on voit, c'est Ikhtilaf Tadad. Irtilaf dans l'aqidah, parce que c'est à propos de leur Seigneur. Donc, Allah dit, voici deux clans adverses qui se disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et ils auront pour eux des maillets de fer. Vous avez trouvé? Sourate Al-Hajj. Sourate 22, mon frère. Sourate 22, le verset 19 à 23. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Certes, Allah introduit ceux qui croient et font des bonnes œuvres au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et de perles, et aussi de perles, et leurs vêtements y seront de soie. Donc, on voit la différence entre les deux groupes, la récompense d'un et le châtiment de l'autre. Le cheikh, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, « Ma'a ma thabata fi s-sahihayn an Abi Dharrin annaha unzilat fi l-muqtatilina yawma badrin. » Il dit, qu'est-ce qui a été rapporté dans le Bukhari et Muslim de façon authentique selon Abi Dharr, que ce verset a été révélé à propos de qui, à propos de quoi? Il a été rapporté, ou il a été révélé à propos des deux groupes qui se sont affrontés le jour de Badr. Les deux groupes qui se sont affrontés le jour de Badr. Donc Ali et Hamza et Ubayda ibn al-Harith radiallahu anhum, et ceux qui sont sortis parmi ceux de Quraysh, qui sont Utba et Shayba et Al-Walid ibn Utba. Donc avant la bataille, il y a les trois qui sont avancés pour un genre de duel, hein, un contre l'autre, avant le début des combats. Donc il y avait du côté des croyants Ali et Hamza et Ubayda ibn al-Harith, et du côté des kuffars de Quraysh, Utba et Shayba et Al-Walid ibn Utba. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit « Wa qawluhu wa kadhalika qawluhu hadhani khasman ikhtasamu » وهذا مثال آخر على ذم اختلاف التضاد. قال سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم يعني اختلفوا في الكفر والإيمان. ذلك لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فمن الناس من آمن به واتبع الحق ومنهم من كفر به واتبع الباطل لا سيما كفر قريش. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه عتبة وصاحبيه يوم تبارزوا في بدر. وذلك أن نفرا من رؤساء قريش طلبوا المبارزة بينهم وبين المسلمين، والمبارزة أن يبرز المقتتلان من الطرفين بسيفيهما يتضاربان ليرى من يغلب منهما الآخر، وبذلك تظهر قوة الغالب وقوة جماعته. فجاءوا من عجبهم وكبريائهم يطلبون من يبارزهم من الصحابة، فقام الأنصار ليبارزوهم، فقالوا إنا لا نقبل أن يبارزنا إلا من كان من قريش. فبرز لهم علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم، فقتل علي وحمزة خصميهما، وتبادل عبيدة مع خصمه ضربتان، فوقعت ضربة على عبيدة رضي الله عنه فأصيب. ثم إن حمزة وعليا لما فرغا من خصميهما جاء وقتل خصم عبيدة، فبذلك ظهرت قوة المسلمين على الكفار وأذلهم الله جل وعلا، وكانت هذه أول نكبة حصلت على الكفار. Donc le cheikh il explique, il dit que le verset ici dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, c'est deux clans ou deux parties qui se sont disputées à propos de leur Seigneur. Ça c'est un autre exemple de la divergence, d'opposition et de contradiction. Et il dit dans ce verset, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de deux clans qui se sont opposés, qui se sont disputés à propos de leur Seigneur. Et ça veut dire qu'ils ont divergé entre la croyance et la mécréance, entre le kufr et la foi. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager aux hommes et comme prophète, parmi les hommes, il y en a qui ont cru en lui et qui l'ont suivi. Et il y en a d'autres qui ont rejeté la foi en lui et qui ont suivi le faux. Et en particulier les koufars de Quraysh. Comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Dharr, que ce verset a été révélé à propos de Hamza et Utba et Ali, le jour où ils ont affronté les trois parmi les têtes de Quraysh. Parce que lorsque Quraysh sont arrivés à Badr, ils ont exigé Al-Mubaraza. Et Al-Mubaraza, c'est quoi? C'est que des combattants de chacun des deux parties s'avancent pour s'affronter l'un contre l'autre, en duel, un contre un, avant le combat. Et pour montrer en même temps, c'est qui le plus fort? Et c'est qui aura le dessus, yani pour montrer la force de son groupe. Alors quand ils sont arrivés, ils étaient pleins de fierté, pleins de, yani de kibria, d'orgueil, de fierté. Donc ils ont dit, on veut affronter parmi vous certains, on veut faire une mubaraza avant le combat. Alors, yani ils sont sortis, il y en a trois parmi eux qui sont sortis. Et il y a des gens parmi les Ansar, les habitants de Médine qui ont cru en l'islam, qui se sont avancés pour aller affronter les trois de Quraysh qui se sont avancés. Et les gens de Quraysh ont dit non, on n'accepte pas accepter des gens de Quraysh qui vont nous affronter. On ne veut pas des Ansar. Alors, ils se sont reculés. Et là, c'est Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, anhu, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ubaida qui se sont avancés. Hein? Ubaida. Ubaida, c'est un autre parmi les Sahaba, je ne connais pas. C'est pas Abu Ubaida, c'est Ubaida. Hein? Le Cheikh il a dit, son nom c'est Ubaida ibn al-Harith. Radiallahu anhu. Ok, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit chacun, donc Ali il a tué celui contre qui il est sorti. Parmi les koufars de Quraysh. Et Hamza aussi. Donc, il y a eu, les musulmans, ils ont tué, il y en a deux, donc, qui ont tué leur opposant. Et Ubaida, lui, s'est fait frapper par le mushrik de Quraysh. Alors, Ali et Hamza sont allés pour le tuer. Et donc, c'est, les musulmans qui ont gagné la Mubaraza. Et donc ça c'était la première victoire, disons, la première manifestation de la force des musulmans contre les koufars, et Allah a humilié les koufars ce jour-là, et ça a été la plus grande défaite pour les koufars et la plus grande victoire, la première victoire pour les croyants dans l'histoire de l'islam. Naam, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Mais c'est pour montrer en même temps, aussi pour réfuter en même temps ceux qui prétendent qu'on peut diverger dans l'aqida, puis que c'est pas grave, la divergence dans la croyance, c'est pas important, hein, et que on doit, comme ils disent, yani, نتعاون في ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه. Même si c'est l'aqida, c'est pas grave. Comme ils disent, eux ils disent on s'entraide, on travaille entre nous. Donc qu'est-ce qu'on est d'accord, puis on s'excuse sur les choses sur lesquelles on diverge. Même si c'est les fondements de l'aqida et les bases de la foi islamique, c'est pas grave. Eux ils font du shirk, ils adorent les tombes, mais tu vas quand même travailler avec eux, tu vas pas les critiquer, tu vas pas les blâmer dans le shirk qu'ils font, tu vas te taire juste parce que tu veux un intérêt de la dunya ou des choses de la yani. Ça c'est contraire à l'islam, ça. Ça c'est les frères musulmans qui font ça et les gens de bid'ah. Presque tous les groupes de bid'ah font ça et en particulier les frères, ça c'est le motto des frères musulmans. C'est ça leur slogan. Oui oui oui, les ikhwan, Hassan al-Banna et ceux qui les suivent. C'était quoi ta question? Al-Mubaraza. Ikhtilaf al-tadad, c'est pas seulement pour l'aqida. Ça peut être pour des choses de fiqh aussi. Si par exemple, comme Cheikh Ubaid al-Jabri l'a expliqué, il a dit, s'il y a quelque chose dans le fiqh qui est basé sur un hadith fort et clair et explicite, que personne diverge dessus, toi tu viens puis tu contredis dans ce hadith ou dans cet aspect là ça, c'est, ça, devient, ça peut devenir ikhtilaf tadad, ça, ça peut ça fait partie des choses qui fait que il y a une opposition à la vérité là-dedans. Ijtihad, des fois, c'est lorsque la façon, chaque savant, il a un point de vue ou une façon de comprendre le dalil, ok, et que la façon dont il le comprend est supportée dans la langue arabe, est supportée par yani, les règles de la charia. Dans ce cas-là, yani, c'est ikhtilaf tanawwu. C'est une divergence d'ijtihad. Ah, tu veux dire, est-ce que c'est le Yom Sab, est-ce que c'est Irtilaf Tanawwa ou Irtilaf Tadad? Non, mais parce que, en fait, là, dans ce cas-là, c'est Irtilaf Tanawwa, ça c'est clair. Mais en même temps aussi, il y a des ulama, comme Cheikh Al-Alban, il dit, t'as pas le droit de jeûner le jeudi, sauf si c'est un jeûne obligatoire. Et lui, il se base sur ce hadith. Et les autres ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ce hadith-là, il est chaz. Parce qu'il contredit d'autres hadiths qui sont plus authentiques. Donc, on l'applique avec les autres hadiths qui disent que si tu jeûnes le samedi, jeûne-le pas tout seul. Tu dois jeûner avec un jour avant ou un jour après. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Ouais, c'est ça. Ikhtilaf. Ouais, mais comme tu dis, on peut en faire une troisième catégorie, ikhtilaf al-hukum. Mais ikhtilaf al-hukum, ça rentre dans ikhtilaf tanawwu aussi, de toute façon. Naam. Parce que les deux n'ont pas été blâmés. Les deux n'ont pas été blâmés. Donc dans ce cas-là, c'est un ikhtilaf tanawwu. Wallah. Mais comme par exemple les Shia Rafida, par exemple, eux ils font le Mut'a, par exemple. Et ils disent que le Mut'a c'est permis, c'est-à-dire de marier pour quelques jours, quelques heures. Ça c'est un exemple d'Ikhtilaf Tadad. Parce que c'est une forme de zina, mais ça a été interdit par le. Le hadith à ce sujet-là, il est rapporté par Ali, radiallahu, selon Ali, radiallahu anhu, et il est sahih. Il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs qui prouvent que c'est haram. Et l'exemple aussi de passer les mains sur les chaussettes lorsque tu fais le wudu, au lieu d'enlever les chaussettes pour laver les pieds, l'imam Ahmed a dit il y a 50 hadiths sur ce sujet-là. Les rafidahs disent non, ça ne fait pas partie de l'islam. Donc eux, ils le renient. Non, les Ahnaf, ils ne renient pas. Sauf qu'eux, ils mettent des conditions qui ne font pas partie de la sunna. Ouais. Mais là, mais les Rafida, ils nient complètement. Ça, c'est un autre exemple d'Ikhtilaf Tadad. Il y en a beaucoup d'autres encore. Oui, mais ça, c'est shirk. Ça, c'est dans l'aqidah. Ikhtilaf Tadad. Toi, tu parles de Ikhtilaf Tadad qui ne fait pas partie de la Aqida, mais dans les éléments qui ont rapport avec le fiqh, eh bien, c'est pour cette raison-là que même des ulama d'Ahl Sunnah, ils ont introduit dans les questions de l'Aqida des éléments du fiqh parce qu'ils sont basés sur des preuves claires que personne n'a le droit de nier et qu'on a remarqué que personne les a contredits, sauf les gens de Bid'a. Et tu peux lire pour ça le livre de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Il y a plein d'éléments de fiqh dedans. Il y a plein d'éléments de la sunnah, du fiqh qui ont été mentionnés comme étant des questions de aqidah là-dedans. Il y a la aqidah de l'imam Ahmad qui a mentionné al-Masih al-Khufayn et d'autres imams qui ont mentionné ça aussi. Tout ça pour dire donc que si quelqu'un contredit quelque chose qui est basé sur des hadiths authentiques et clairs, comme par exemple le fait de sortir contre les dirigeants parce qu'ils font des, quand ils font de l'injustice ou des choses comme ça. Ça c'est clair, c'est basé dans les sortes des hadiths authentiques. Et il y en a des gens de Bid'ah qui renient ces hadiths-là, tu vois, alors que c'est clair. Donc tout ça, c'est ça rentre là-dedans, tu vois. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين